peine arrivés à Lisieux, notre première visite fut pour le Carmel. Quelle entrevue que celle-là! Nous avions tant de choses à nous dire. Depuis un mois de séparation, moi qui m'a semblé plus long, et pendant lequel j'ai plus appris que pendant plusieurs années. Ô ma mère chérie, qu'il m'a été doux de vous revoir, de vous ouvrir ma pauvre petite âme blessée, à vous qui saviez si bien me comprendre, à qui une parole, un regard suffisait pour tout deviner. Je m'abandonnais complètement. J'avais fait tout ce qui dépendait de moi, tout, jusqu'à parler au Saint-Père. Aussi, je ne savais ce que je devais encore faire. Vous me dites d'écrire à Monseigneur et de lui rappeler sa promesse. Je le fis aussitôt, le mieux qu'il me fut possible, mais dans des termes que mon oncle trouva un peu trop simples. Il refit ma lettre. Au moment où j'allais la faire partir, j'en reçus une de vous, me disant de ne pas écrire, d'attendre quelques jours. J'obéis aussitôt, car j'étais sûre que c'était le meilleur moyen de ne pas se tromper. Enfin, 10 jours avant Noël, ma lettre partit. Bien convaincue que la réponse ne se ferait pas attendre, j'allais tous les matins après la messe à la poste avec papa, croyant y trouver la permission de m'envoler. Mais chaque matin amenait une nouvelle déception, qui cependant n'ébranlait pas ma foi. Je demandais à Jésus de briser mes liens. Il les brisa, mais d'une manière toute différente de celle que j'attendais. La belle fête de Noël arriva, et Jésus ne se réveilla pas. Il laissa par terre sa petite balle, sans même jeter sur elle un regard. Mon cœur était brisé en me rendant à la messe de minuit. Je comptais si bien y assister derrière les grilles du Carmel. Cette épreuve fut bien grande pour ma foi, mais celui dont le cœur veille pendant son sommeil me fit comprendre qu'à ceux dont la foi égale un grain de sénévé, il accorde des miracles et fait changer de place les montagnes afin d'affermir cette foi si petite. Mais pour ses intimes, pour sa mère, il ne fait pas de miracles avant d'avoir éprouvé leur foi. Ne laissa-t-il pas mourir Lazare, bien que Marthe et Marie lui aient fait dire qu'il était malade? Aux noces de Cana, la Sainte Vierge, ayant demandé à Jésus de secourir le maître de la maison, ne lui répondit-il pas que son heure n'était pas encore venue? Mais après l'épreuve, quelle récompense! L'eau se change en vin, Lazare ressuscite. Ainsi Jésus agit-il envers sa petite Thérèse. Après l'avoir longtemps éprouvée, il combla tous les désirs de son cœur. L'après-midi de la radieuse fête passée pour moi dans les larmes, j'allai voir les carmélites. Ma surprise fut bien grande d'apercevoir, lorsqu'on ouvrit la grille, un ravissant petit Jésus tenant en sa main une balle sur laquelle était écrit mon nom. Les carmélites, à la place de Jésus, trop petits pour parler, me chantèrent un cantique composé par ma mère chérie. Chaque parole répandait en mon âme une bien douce consolation. Jamais je n'oublierai cette délicatesse du cœur maternel qui toujours me combla des plus exquises tendresses. Après avoir remercié, en répandant de douces larmes, je racontai la surprise que ma Céline chérie m'avait faite en revenant de la messe de minuit. J'avais trouvé dans ma chambre, au milieu d'un charmant bassin, un petit navire qui portait le petit Jésus dormant avec une petite balle auprès de lui. Sur la voile blanche, Céline avait écrit ces mots « Je dors et mon cœur veille ». Et sur le vaisseau, ce seul mot « Abandon ». Ah, si Jésus ne parlait pas encore à sa petite fiancée, si toujours ses yeux divins restaient fermés, du moins il se révélait à elle par le moyen d'âme, comprenant toutes les délicatesses de l'amour de son cœur. Le premier jour de l'année 1888, Jésus me fit encore présent de sa croix, mais cette fois je fus seule à la porter, car elle fut d'autant plus douloureuse qu'elle était incomprise. Vous m'annonciez que la réponse de Monseigneur était arrivée le 28, fête des saints innocents, mais qu'elle ne me l'avait pas fait savoir, ayant décidé que mon entrée n'aurait lieu qu'après le carême. Je ne pus retenir mes larmes à la pensée d'un si long délai. Cette épreuve eut pour moi un caractère tout particulier. Je voyais mes liens rompus du côté du monde, et cette fois c'était l'Arche Sainte qui refusait son entrée à la pauvre petite colombe. Je veux bien croire que je dus paraître déraisonnable en n'acceptant pas joyeusement mes 3 mois d'exil. Mais je crois aussi que sans le paraître, cette épreuve fut très grande et me fit beaucoup grandir dans l'abandon et les autres vertus. Comment se passèrent ces 3 mois si riches en grâce pour mon âme? D'abord, il me vint à la pensée de ne pas me gêner, à mener une vie aussi bien réglée que j'en avais l'habitude. Mais bientôt, je compris le prix du temps qui m'était offert, et je résolus de me livrer plus que jamais à une vie sérieuse et mortifiée. Lorsque je dis mortifiée, ce n'est pas afin de faire croire que je faisais des pénitences. Hélas, je n'en ai jamais fait aucune. Bien loin de ressembler aux belles âmes qui, dès leur enfance, pratiquaient toute espèce de mortification, je ne sentais pour elles aucun attrait. Sans doute cela venait de ma lâcheté, car j'aurais pu, comme Céline, trouver 1000 petites inventions pour me faire souffrir. Au lieu de cela, je me suis toujours laissé dorloter dans du coton et empâté comme un petit oiseau qui n'a pas besoin de faire pénitence. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir, à ne point m'appuyer le dos quand j'étais assise, etc., etc. Ce fut par la pratique de ces riens que je me préparais à devenir la fiancée de Jésus. Et je ne puis dire combien cette attente m'a laissé de doux souvenirs. 3 mois passent bien vite. Enfin, le moment si ardemment désiré arriva. Le lundi 9 avril, jour où le Carmel célébrait la fête de l'Annonciation, remise à cause du carême, fut choisi pour mon entrée. La veille, toute la famille était réunie autour de la table où je devais m'asseoir une dernière fois. Ah, que ces réunions intimes sont déchirantes! Alors qu'on voudrait se voir oublier, les caresses, les paroles les plus tendres sont prodiguées et font sentir le sacrifice de la séparation. Papa ne disait presque rien, mais son regard se fixait sur moi avec amour. Ma tante pleurait de temps en temps et mon oncle me faisait 1000 compliments affectueux. Jeanne et Marie étaient aussi remplies de délicatesse pour moi, surtout Marie qui, me prenant à l'écart, me demanda pardon des peines qu'elle croyait m'avoir causées. Enfin, ma chère petite Léonie, revenue de la visitation depuis quelques mois, me comblait plus encore de baisers et de caresses. Il n'y a que Céline dont je n'ai pas parlé, mais vous devinez, ma mère chérie, comment se passa la dernière nuit où nous avons couché ensemble. Le matin du grand jour, après avoir jeté un dernier regard sur les buissonnets, ce nid gracieux de mon enfance que je ne devais plus revoir, je partis au bras de mon roi chéri pour gravir la montagne du Carmel. Comme la veille, toute la famille se trouva réunie pour entendre la sainte messe et y communier. Aussitôt que Jésus fut descendu dans le cœur de mes parents chéris, je n'entendis autour de moi que des sanglots. Il n'y eut que moi qui ne versais pas de larmes, mais je sentis mon cœur battre avec une telle violence qu'il me sembla impossible d'avancer lorsqu'on vint nous faire signe de venir à la porte conventuelle. J'avançais cependant, tout en me demandant si je n'allais pas mourir par la force des battements de mon cœur. Ah, quel moment que celui-là! Il faut y avoir passé pour savoir ce qu'il est. Mon émotion ne se traduisit pas au dehors. Après avoir embrassé tous les membres de ma famille chérie, je me mis à genoux devant mon incomparable père, lui demandant sa bénédiction. Pour me la donner, il se mit lui-même à genoux et me bénit en pleurant. C'était un spectacle qui devait faire sourire les anges, que celui de ce vieillard présentant au Seigneur son enfant, encore au printemps de la vie. Quelques instants après, les portes de l'Arche Sainte se fermaient sur moi, et là je recevais les embrassements des sœurs chéries, qui m'avaient servi de mère, et que j'allais désormais prendre pour modèle de mes actions. Enfin, mes désirs étaient accomplis. Mon âme ressentait une paix si douce et si profonde qu'il me serait impossible de l'exprimer. Et depuis 7 ans et demi, cette paix intime est restée mon partage. Elle ne m'a pas abandonnée au milieu des plus grandes épreuves. Comme toutes les postulantes, je fus conduite au chœur aussitôt après mon entrée. Il était sombre à cause du Saint-Sacrement exposé, et ce qui frappa d'abord mes regards furent les yeux de notre Sainte Mère Geneviève qui se fixèrent sur moi. Je restai un moment à genoux à ses pieds, remerciant le bon Dieu de la grâce qu'il m'accordait de connaître une sainte. Et puis, je suivis la mère Marie de Gonzague dans les différents endroits de la communauté. Tout me semblait ravissant. Je me croyais transportée dans un désert. Notre petite cellule surtout me charmait, mais la joie que je ressentais était calme. Le plus léger zéphyr ne faisait pas onduler les eaux tranquilles sur lesquelles voguait ma petite nacelle. Aucun nuage n'obscurcissait mon ciel d'azur. Ah, j'étais pleinement récompensée de toutes mes épreuves. Avec quelle joie profonde je répétais ces paroles. C'est pour toujours, toujours que je suis ici. Ce bonheur n'était pas éphémère. Il ne devait point s'envoler avec les illusions des premiers jours. Les illusions, le bon Dieu m'a fait la grâce de n'en avoir aucune en entrant au Carmel. J'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée. Aucun sacrifice ne m'étonna, et cependant, vous le savez, ma mère chérie, mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses. Oui, la souffrance m'a tendu les bras, et je m'y suis jetée avec amour. Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré au pied de Jésus hostie, dans l'examen qui précéda ma profession. Je suis venue pour sauver les âmes, et surtout afin de prier pour les prêtres. Lorsqu'on veut atteindre un but, il faut en prendre les moyens. Jésus me fit comprendre que c'était par la croix qu'il voulait me donner des âmes, et mon attrait pour la souffrance grandit à mesure que la souffrance augmentait. Pendant 5 années, cette voie fut la mienne, mais à l'extérieur, rien ne traduisait ma souffrance, d'autant plus douloureuse que j'étais seule à la connaître. Ah, quelle surprise à la fin du monde nous aurons en lisant l'histoire des âmes, qu'il y aura de personnes étonnées en voyant la voie par laquelle la mienne a été conduite. Cela est si vrai que 2 mois après mon entrée, le père Pichon étant venu pour la profession de sœur Marie du Sacré-Cœur, il fut surpris de voir ce que le bon Dieu faisait en mon âme, et me dit que la veille, m'ayant considéré priant au cœur, il croyait ma ferveur toute enfantine et ma voix bien douce. Mon entrevue avec le bon père fut pour moi une consolation bien grande, mais voilée de larmes à cause de la difficulté que j'éprouvais à ouvrir mon âme. Je fis cependant une confession générale, comme jamais je n'en avais faite. À la fin, le père me dit ces paroles, les plus consolantes qui soient venues retentir à l'oreille de mon âme. En présence du bon Dieu, de la Sainte Vierge et de tous les saints, je déclare que jamais vous n'avez commis un seul péché mortel. Puis il ajouta, « Remerciez le bon Dieu de ce qu'il fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendriez un petit démon. » Ah, je n'avais pas de peine à le croire. Je sentais combien j'étais faible et imparfaite, mais la reconnaissance remplissait mon âme. J'avais une si grande crainte d'avoir terni la robe de mon baptême qu'une telle assurance sortit de la bouche d'un directeur comme les désirait notre sainte mère Thérèse, c'est-à-dire unissant la science à la vertu, me paraissait sortie de la bouche même de Jésus. Le bon Père me dit encore ces paroles qui se sont doucement gravées en mon cœur. « Mon enfant, que notre Seigneur soit toujours votre supérieur et votre maître des novices. » Il le fut en effet, et aussi mon directeur. Ce n'est pas que je veuille dire par là que mon âme ait été fermée pour mes supérieurs. Ah, loin de là, j'ai toujours essayé qu'elle leur soit un livre ouvert. Mais notre mère, étant souvent malade, avait peu le temps de s'occuper de moi. Je sais qu'elle m'aimait beaucoup et disait de moi tout le bien possible. Cependant, le bon Dieu permettait qu'à son insu, elle fût très sévère. Je ne pouvais la rencontrer sans baiser la terre. Il en était de même dans les rares directions que j'avais avec elle. Quelle grâce inappréciable ! Comme le bon Dieu agissait visiblement en celle qui tenait sa place. Que serais-je devenue si, comme le croyaient les personnes du monde, j'avais été le joujou de la communauté ? Peut-être, au lieu de voir notre Seigneur en mes supérieurs, n'aurais-je considéré que les personnes et mon cœur, si bien gardés dans le monde, se seraient attachés humainement dans le cloître. Heureusement, je fus préservée de ce malheur. Sans doute, j'aimais beaucoup notre mère, mais d'une affection pure qui m'élevait vers l'époux de mon âme. Notre maîtresse était une vraie sainte, le type achevé des premières carmélites. Toute la journée, j'étais avec elle, car elle m'apprenait à travailler. Sa bonté pour moi était sans borne, et cependant mon âme ne se dilatait pas. Ce n'était qu'avec effort qu'il m'était possible de faire direction. N'étant pas habituée à parler de mon âme, je ne savais comment exprimer ce qui s'y passait. Une bonne vieille mère comprit un jour ce que je ressentais. Elle me dit en riant à la récréation, « Ma petite fille, Il me semble que vous ne devez pas avoir grand-chose à dire à vos supérieurs. Pourquoi, ma mère, dites-vous cela? Parce que votre âme est extrêmement simple. Mais quand vous serez parfaite, vous serez encore plus simple. Plus on approche du bon Dieu, plus on se simplifie. La bonne mère avait raison. Cependant, la difficulté que j'avais à ouvrir mon âme, tout en venant de ma simplicité, était une véritable épreuve. Je le reconnais maintenant, car sans cesser d'être simple, j'exprime mes pensées avec une très grande facilité.